La nouvelle génération veut des choses nécessaires. Je veux pas me gêner garçon, car j'espère qu'on va me laisser faire. Peu de relations amicales, dans ce bizarre radical. Mais faut s'y faire, on brûle nos amis d'âle quand on veut s'y faire. Dans ce rap game français, c'est passé par AC. Normal que James C. Smart is very crazy. Adressé aux bad boys, mineurs ou majeurs, c'est le son qui te paralyse à distance comme le taser. Qui veut rester, qui veut tester, qui veut contester. Je suis le best et non complexe. Si tu m'as trouvé, c'est que tu m'as cherché. Rares sont ceux qui s'acquérissent une chose sans s'exercer. Toute façon, moi, je m'en bats les steaks. Chaque que la France rattrapera pas les steaks. Yeah, tous en retrait, je suis pas exempté d'un coup de trait. Si j'aurai le secret, j'aurai le king du 80 secret. Tu veux monter le beat, il faut le dompter. Se donner sans compter. Faire gaffe à pas tomber. Il faut pas déchanter quand les flingues vont chanter. Les frères me savent, 100 kilos d'acier, armature en téflon. Wesh James, pourquoi ils béflant, ils veulent sucer le peupon. Dis-leur de baisser d'un ton, ou je vais les balancer d'un pont. Qui sait qu'à la dalle ici, dit qu'il veut bouffer du plomb. Mais dans ce game, c'est rien qu'à base de qui veut jouer au plus con. Donc va leur dire que mes tarpes font sortir le pull des tympans. Ouais. Apocalyptique Ali, là où je passe, t'entends des pimpons. Et quand je blesse un son, je laisse des marques à coups de crampons. Deux spies, comme un bon esbi, petit transpire, même pas t'espère que tu t'en tires, non. Giuseppe le Saint et James c'est fou. Ramène même la Berry parce que nous on y touche. J'perds fort quand j'performe, hyper fort. Même en méforme, j'fais des gros trous, motherfucker, yeah. Même en canicule, mon son est motherfucking frais. Saint-Joseph, chaud bouillant, motherfucking frais. Tu veux monter, le beat il faut le dompter. Se donner sans compter. Faire gaffe à pas tomber. Faut pas déchanter quand les flingues vont chanter. Si tu joues les déjantés, on saura pas patienter. Non.